Section 12 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 3, La guerre de Cent Ans. Deuxième partie. 1380-1453. Deuxième sous-partie, Guerre civile et guerre étrangère, par Alfred Coville. Le royaume au début du XVe siècle. Le XVe siècle commence mal pour le royaume de France. Chose inouïe et infiniment triste, le pauvre Charles VI n'est pas fou d'une folie continue. Mais ses excès sont fréquents, et ses moments de lucidité, chaque année, plus courts et plus rares. En réalité, le pouvoir est aux mains des princes ambitieux, avides, ennemis les uns des autres. Aux premières années du siècle, il y a, en face l'un de l'autre, le duc d'Orléans, frère du roi, arrivé à l'âge d'homme, et le duc de Bourgogne, Jean sans peur, qui a succédé en 1404 à son frère Philippe le Hardi. Le premier, Louis d'Orléans, est plein de charme et de grâce, élégant, cultivé, aimant les poètes, les ménestrels, les imagiers, les joueurs de mystère, et, d'autre part, vrai modèle de piété et de dévotion. Sa vie se passe en fête, en réception, en ébattement dans ses grands et ses petits hôtels. Rien n'égale la beauté de ses bijoux, l'étrangeté de ses costumes. Sa puissance est médiocre, ses ambitions sont très ardentes, tournées en grande partie du côté de l'Italie, où il tient des domaines de par sa femme, la belle et savante Valentine Visconti. Il rêve même d'un royaume italien. Surtout, ses besoins sont immenses. Eut-il de grands et sages desseins politiques? Rêva-t-il d'une politique vraiment française contre la politique allemande de son rival? On a cherché à le prouver. La seule chose certaine, c'est qu'il était une ruine et un scandale pour le royaume. Son rival est autrement puissant, redoutable et positif. Il disposait du duché et du comté de Bourgogne, des comtés de Charolais, de Nevers, de Rethel, de terres en Champagne, de l'Artois, de la Flandre. Des mariages heureux assuraient à sa famille le Brabant, le Hainaut, le Limbourg, la Hollande. C'étaient les éléments d'un État entre France et Allemagne. Le duc Jean avait des relations variées et lointaines. Ses finances étaient celles d'un roi, car il possédait les pays les plus prospères et les plus riches de l'Occident. Sans doute, elles ne suffisaient pas encore à ses grands besoins politiques. Il puisait sans cesse dans les trésors royaux. Ses comptes, admirablement tenu et conservé, disent merveilleusement sa puissance. Au demeurant, il faisait avec le duc d'Orléans un vivant contraste. Jean était de petite taille, tête massive, écrasée, avec des pommettes saillantes, sans finesse ni grâce, mais avec ce je ne sais quelle expression de force, de volonté ténace et méchante. Il parlait avec difficulté, représentait mal, ne risquait jamais de grosses sommes au jeu. Mais il y avait en lui des qualités autrement solides et sérieuses. Il était au courant de tout, s'intéressait à tout, et savait s'inspirer de l'opinion générale avec laquelle il s'efforçait toujours d'être d'accord. C'était un tempérament politique. Il ne recula ni devant la guerre civile, ni devant l'assassinat, ni devant l'appel aux ennemis du royaume. Entre ces deux princes, ce devait être un duel à mort. Louis d'Orléans et Jean de Bourgogne occupent le premier plan du tableau. Derrière eux s'agite, pour le plaisir, une cour nombreuse, brillante, folle de jouissance et de luxe. Les modes y sont excentriques, car les femmes y règnent. L'hôtel Saint-Paul voit d'étranges divertissements. À toute cette vie, l'argent du royaume passe sans compter. la reine des fêtes et la reine de France, la sensuelle Isabeau de Bavière, qui se compromet avec Louis d'Orléans, se fait apostropher en plein sermon par l'audacieux Augustin Jacques le Grand, et continue à étonner et à scandaliser le royaume. Son fils, le duc de Guyenne, est trop jeune et trop léger, comme un jouet aux mains des princes. La place est bien libre à toutes les intrigues. Le gouvernement royal est à l'avenant. Tous les rouages semblent se détendre et se corrompre. Il y a désordre au Conseil du roi, au Parlement, à la Chambre des comptes. Les abus de pouvoir se multiplient. La justice royale est avide et sans scrupules. Les impositions s'accumulent, mais elles passent entre les mains des princes ou restent dans celles des officiers de finance. Le domaine est au pillage. Les caisses sont toujours vides et il faut à chaque instant emprunter ou engager des joyaux. La couronne royale a été dépecée et engagée chez les Lombards. Le peuple, surtout à Paris, ne voit pas tout cela sans murmurer. Il y a souvent des propos injurieux à l'égard des princes. À Paris, depuis 1383, le monde des gens de métier est agité, organisé, d'une sensibilité extrême. Il se soulève à la moindre alerte. À la tête est la grande corporation des bouchers, audacieuse et brutale, avec toute une clientèle fidèle de petits métiers. Ces gens ont des haines violentes. Flattés par le duc de Bourgogne, ils ont en aversion le duc d'Orléans. À côté, l'université, très nombreuse, très active et très ardente, formant une véritable ville sur la rive gauche. Là règne l'esprit démocratique. Tout s'y règle par les assemblées et par la parole. L'université s'est habituée peu à peu à donner son avis dans les affaires du schisme d'abord, puis dans toutes les affaires politiques. Elle intervient pour réclamer des réformes, pour diriger la politique royale. Elle a pour porte-parole d'illustres représentants comme Jean Courtecuisse, Pierre Dailly et surtout Jean Gerson. La guerre civile. À peine Louis d'Orléans est-il mis en scène par les chroniqueurs qu'il est déjà question de haine entre Orléans et Bourgogne. Le vieux duc Philippe le Hardi n'est pas disposé à céder de son autorité à son jeune neveu. Il y a une politique bourguignonne et une politique orléanaise pour le gouvernement intérieur, pour les affaires du schisme, pour les affaires d'Allemagne. Après la mort de Philippe le Hardi, la situation se complique encore. Jean sans peur a les mêmes ambitions que son père. Le duc d'Orléans et lui sont contemporains. Ils ne sont que cousins germains. Le respect ni l'affection ne peuvent les retenir. À chaque instant, la guerre est sur le point d'éclater. Dans la soirée du 23 novembre 1407, sortant de chez la reine sa mère pour aller chez le roi, Louis d'Orléans est assailli par une bande armée et laissé mort sur le pavé. À cette nouvelle, le peuple de Paris reste froid et moqueur. Mais la cour est tout effarée. On fête au prince des obsèques magnifiques. Le duc de Bourgogne y verse des pleurs avec de grands gémissements. Puis, comme il apprend que des perquisitions vont être faites dans les hôtels des princes, il se sent troublé et dit au duc de Berry, son oncle, « C'est moi qui ai tout fait. Le diable m'a tenté. » Et au galop de ses chevaux, il s'enfuit en Flandre. Ce meurtre fut la cause d'étranges misères. Les deux cabales d'Orléans et de Bourgogne deviennent deux grands partis hostiles, décidés à la guerre, qui vont se disputer avec acharnement Paris, l'université, le roi et le royaume. En 1408, on vit revenir à Paris Jean sans peur, qui avait repris toute son audace. Il rentrait le front haut et se faisait publiquement justifier par le dominicain Jean Petit, dont la théorie du tyrannicide troublera toute la fin du Moyen-Âge. Puis, à peine est-il reparti, que voici Valentine Visconti, la veuve fidèle d'un infidèle mari, qui, en habit de deuil, entourée des enfants du feu duc, est reçue à la cour comme une touchante victime et fait prononcer avec une égale solennité par Jean de Sérésie l'accusation du meurtrier. Ce n'était là encore que luttes et paroles. mais la guerre se prépare. On crut encore une fois qu'elle allait éclater en 1409, mais une paix fourrée se termina à Chartres. L'année suivante, les deux armées se préparent. Du côté d'Orléans est Bernard d'Armagnac qui a donné son nom à tout le parti. Le duc d'Orléans, le futur poète de la Tour de Londres et du château de Blois, a déjà 18 ans. La vengeance s'imposait à lui comme une fatalité. Malgré toutes les tentatives pour éviter une rupture définitive, des défis sont engagés en août 1411. La guerre est ouverte. En 1412, le roi et le duc de Bourgogne, qui tenait alors le roi, étaient allés prendre l'Oriflamme à Saint-Denis pour assiéger des princes français dans Bourges. Il est vrai que ces princes français étaient les alliés des Anglais, qu'ils en attendaient des secours, que, pour avoir ces secours, ils avaient fait des promesses pires que le traité de Brétigny. Bourges ne fut pas pris, et il fallut conclure la paix à Auxerre, le 22 août 1412. On fit toutes les réconciliations possibles. On échangea des serments, des engagements de tout oublier. Les Cabochiens et les réformes en 1413. Cette paix d'Auxerre causa une grande joie et donna de grandes espérances. Il y avait un besoin général de réformes et d'ordre. Déjà, à plusieurs reprises, par les grandes ordonnances de 1401, de 1406, de 1407, par la réformation tentée en 1409 et après la chute de Montagu, le gouvernement royal avait tenté d'y faire droit. Cette fois, l'occasion semblait d'autant meilleure que le roi avait besoin d'argent pour repousser les Anglais et que les États généraux étaient convoqués à Paris pour le 30 janvier 1415. Les États furent peu nombreux mais très hardis. La province de Lyon, plus tard l'université, 13 février, présentèrent des requêtes vives et précises qui passaient en revue toute l'administration royale et formaient comme un vaste réquisitoire contre les abus passés et tout un programme pour l'avenir. Une commission fut organisée pour réformer. Elle commença un travail méthodique sous l'inspiration de l'université, de la bourgeoisie éclairée et du duc de Bourgogne. Mais il y avait des gens trop pressés dont les passions étaient trop excitées. C'étaient les gens de métier et à leur tête les bouchers. Depuis plusieurs années, le duc de Bourgogne négociait avec eux, les comblait de cadeaux, leur faisait donner des armes, comptant beaucoup sur ses bruyants alliés. Mais il était difficile de les maintenir tout en les utilisant. Jean sans peur les a déchaînés. En 1413, il ne peut plus les arrêter. Au mois de mai, bouchers et artisans s'impatientent. Parmi eux est l'écorcheur Caboche, qui a donné son nom à ce parti. La présence d'hommes d'armes aux environs de Paris les met en mouvement. L'émeute commence, elle se porte tantôt à l'hôtel, qui nominalement gouverne, tantôt à la Bastille. Le premier succès fut la prise de la Bastille, et cela continua ainsi tout un mois. Enfin, après une émeute terrible, celle du 22 mai, une émeute que personne, pas même le duc de Bourgogne, n'avait pu empêcher de pénétrer jusqu'au dauphin et à la reine, il fallut donner satisfaction à ce peuple. L'ordonnance préparée, à peine finie, fut promulguée en lit de justice les 26 et 27 mai, en grande solennité. C'est un véritable code administratif en 258 articles. Il s'efforce de réduire le nombre des officiers, de diminuer les gages, de préserver les revenus de la royauté par un minutieux contrôle, d'établir dans la plupart des cas des délibérations et des élections. Le gouvernement royal était à la merci de la foule, et la foule à la merci de meneurs bruyants et incapables. C'était le gouvernement par l'émeute. Dans ces conditions, toute application sévère de l'ordonnance était impossible. Il n'y eut que de sanglantes exécutions de personnes. Bientôt, chacun fut écœuré, effrayé. La majesté royale se trouvait atteinte. Le duc de Bourgogne ne savait que dire et n'osait rien faire. L'université a rompu son alliance avec le peuple. La bourgeoisie aisée, conduite par l'avocat Jouvenel, se groupe autour du roi. Les Armagnacs deviennent menaçants. Ils approchent en armes, prêts à soutenir la réaction qui s'annonce. Heureusement, le roi vient de recouvrer la santé. Toutes les bonnes volontés se coalisent. À la fin de juillet, une paix, une nouvelle réconciliation, est conclue à Pontoise avec le parti d'Orléans. Elle fut imposée aux Bouchers, qui voulaient l'extermination de leurs ennemis. Au premier jour d'août, Paris, affamé de paix, de tranquillité, de loyalisme, se souleva presque tout entier contre ceux qui l'avaient fait tout puissant. Les Bouchers se dispersèrent, disparurent. Au lieu des insignes de Bourgogne, on ne vit plus partout que la croix blanche des Armagnacs. Inquiet pour lui-même, le duc de Bourgogne quitta Paris brusquement le 22 août. Derrière lui rentraient les Armagnacs. Ils remirent la main sur le roi et lui imposèrent toute leur volonté. Alors commença une vraie terreur blanche. Il y eut des destitutions, des exécutions. Enfin, le 5 septembre, dans un lit de justice aussi solennel que le précédent, l'ordonnance cabochienne fut abolie et mise à néant. Il résulta de tout cela une nouvelle guerre entre Armagnacs et Bourguignons, peu active et peu intéressante. Le duc de Bourgogne vint devant Paris, avec l'espoir d'y rentrer, mais trouva les portes fermées. Le roi alla prendre quelques villes bourguignonnes au nord de Paris. La grande boucherie fut supprimée. Les derniers cabochiens se réfugièrent auprès de gens sans peur. Enfin, la paix fut conclue à Arras, le 25 février 1415. Les Armagnacs restaient maîtres de Paris et du roi. Ainsi finit par un nouvel échec cette nouvelle tentative populaire. D'ailleurs, ces chefs avaient tout fait par leur incapacité et leur violence pour la rendre stérile. Azincourt. La guerre civile est à peine finie que la guerre anglaise s'aggrave de nouveau et très vite. Il y a en Angleterre un nouveau roi depuis 1413, Henri V. De débauché, il s'est fait pieux et mystique. Après avoir parlé de paix et de trêve de façon toute biblique, le temps de faire ses préparatifs, il réveille tout à coup dans son peuple la haine de la France. Au reste, il a besoin de cette gloire pour faire oublier l'usurpation de son père. Le moment était favorable. La France était déchirée, désunie. Le duc de Bourgogne, que la paix n'a pas consolé de ses aventures de 1413, a traité secrètement avec le roi anglais et promis sa neutralité. Dans l'été de 1415, une armée de près de 60 000 hommes put s'embarquer à Southampton sur 1 400 navires. Elle débarqua sans obstacle à l'embouchure de la Seine. Elle fit le siège d'Harfleur, qui fut très dur. Les 200 hommes d'armes qui défendaient la place se rendirent le 16 septembre 1415, après avoir vainement attendu le connétable d'Albret. Cependant, on s'apprêtait à résister. La noblesse voulait faire de cette guerre un triomphe. Tout le parti armagnac se leva, et il comptait surtout des gentilshommes. On repoussa les gens des villes, suspects de sympathie bourguignonne. Les Armagnacs, rejoints par tout ce qu'il y avait d'aventuriers sur le royaume, partirent au nombre de 100 000. Ils voulaient barrer aux Anglais le chemin de Calais. Alors, c'est l'histoire de Crécy qui recommence. Course des ennemis à travers la Picardie. Passage de la Somme à Gué, grâce à une trahison. Poursuite de l'armée française. Rencontre enfin près de Hesdin, à Azincourt, le 25 octobre. Là, toutes les fautes de Poitiers furent renouvelées, avec la même insouciance et la même témérité. Refus de toute négociation politique, les hommes d'armes combattant à pied, la piétaille tenue loin du combat, les rangs entassés les uns sur les autres. Les Anglais n'eurent qu'à tirer dans cette masse d'hommes, s'écrasant et s'étouffant. Les Français laissèrent là 10 000 cadavres. Gens sans peur, tandis que le sort du royaume se décidait, était resté neutre. Il avait fait garder son fils aîné pour l'empêcher de courir au combat. Du moins, le frère du duc, Antoine de Brabant, était venu au galop de son cheval se faire tuer pour l'honneur du royaume. Parmi les captifs, le duc Charles d'Orléans. Conquête de la Normandie. Le royaume était à la merci des Anglais. Ils en profitèrent largement. En 1417, la Basse-Normandie fut occupée. Caen résista de son mieux pendant 16 jours. Appelé, le connétable d'Armagnac répondit qu'il était fort occupé à combattre le duc de Bourgogne. Après la prise, 25 000 bourgeois et artisans sortirent de la ville pour ne pas devenir anglais. De même, Perrette de la Rivière quittait avec ses enfants son château de la Roche-Guyon pour fuir, dans la pauvreté, les nouveaux maîtres. L'année suivante, Henri V s'attaqua à la grande ville de Rouen. Les Rouennais furent admirables. Ils résistèrent avec de mauvaises fortifications, de juin 1418 à janvier 1419. Ils souffrirent toutes les horreurs de la faim et de la misère. Un chien valait 150 francs, une souris 6 francs. 50 000 habitants périrent d'inanition. Les fossés étaient pleins de cadavres. Le capitaine des arbalétriers, Alain Blanchard, le chanoine Robert de Livet, conduisaient cette résistance. Ils appelèrent à grands cris Jean sans peur, qui vint jusqu'à Pontoise, puis les engagea à s'entendre avec l'ennemi. Henri V, effrayé du désespoir sauvage des habitants, leur accorda une capitulation honorable. Blanchard mourut en croix, trop pauvre pour se racheter. Les Anglais poussèrent jusqu'à Pontoise. À Paris, on trembla. Il n'y avait plus de recours qu'en la puissance divine. Dieu, gardez-nous par votre grâce du désespoir. Bourguignon et Armagnac. Les deux fils aînés du roi, les deux premiers dauphins, étaient morts, l'un en 1415, l'autre en 1416. Le roi de Sicile, qui présidait le conseil royal, meurt également en 1417. Il reste à côté du roi fou, d'Isabeau impotente et toujours frivole, un enfant, le troisième fils de Charles VI, le futur Charles VII, qui n'a guère plus de 13 ans. Il reste surtout le véritable chef du parti armagnac, le connétable Bernard, tout-puissant à Paris. C'est par la violence qu'il se maintient dans cette cour désemparée. Il établit une justice horrible qui procède par dénonciation et noyade. Il était moins heureux contre les Anglais. Il tenta vainement de leur reprendre Harfleur. Jean sans peur voulait Paris et le roi, mettait à les reprendre une incroyable ténacité. Au lendemain d'Azincourt, il avait fait sur Paris une tentative qu'il n'eut pas l'audace de mener jusqu'au bout. Il recommença en 1417. Tandis que les Anglais prenaient Caen, il arriva avec une armée aux environs de Paris. Par un manifeste violent et habile contre les taxes et les exigences des Armagnacs, il s'était concilié un grand nombre de villes. Paris, cependant, ne l'accueillit pas. Alors, il alla s'emparer de la reine Isabeau, qui, reléguée pour les scandales de sa cour à Blois, y commençait une lamentable vieillesse. Il la garda avec lui, en fit une sorte de régent et en son nom organisa à Troyes tout un gouvernement, rival de celui de Paris. Un événement inattendu vint tout changer. Un bourgeois, Périnet le Clerc, pour satisfaire une vengeance personnelle, ouvrit aux Bourguignons une porte de Paris. Il y eut débandade parmi les Armagnacs. Le dauphin s'enfuit, 28 mai 1418, pour ne rentrer dans sa capitale que 19 ans plus tard. Les Bourguignons étaient entrés au cri de « à mort, ville gagnée, tuez tout !» À leur aide, tout un fond de populace se leva dans Paris, débris du parti cabochien, tripiers et écorcheurs, mendiants de toute espèce. Les nouvelles autorités laissaient faire. Le prévôt disait « Mes amis, faites ce qui vous plaira. » Le 1er juin, il y eut 500 victimes. Le 12 juin, 5000. Le 21 août, à peu près autant. Le duc de Bourgogne était arrivé enfin le 14 juillet. Pour ramener un peu d'ordre, il dut faire exécuter les plus enragés exécuteurs, entre autres le bourreau Capeluche. Le meurtre de Montereau. La fin de 1418 et le début de 1419 se passèrent à négocier. Négociation entre le dauphin établi à Bourges et Henri V. Négociation entre le duc de Bourgogne et le dauphin. Jean sans peur intrigue partout. Il a entre ses mains le roi, ce qui lui donne toutes les audaces. Une trêve est conclue avec les Anglais. La paix même se fait à Pouilly, le 11 juillet 1419, entre Jean sans peur et le dauphin. Mais le duc Jean remplit mal ses promesses. Son attitude est louche et mystérieuse, comme toujours. Il ne s'occupe pas de chasser les Anglais, les laisse s'installer à Pontoise. Il négocie avec Henri V. Il réunit une nouvelle armée. Il l'amène avec lui à Montereau, où il doit avoir une entrevue avec le dauphin. Il est même probable qu'il voulait s'emparer de celui-ci. L'entrevue a lieu sur le pont de Montereau. Là, les gens du dauphin se jettent sur Jean et le tuent. Ce fut un grand malheur. La France devait en souffrir longtemps. De nouvelles haines s'accumulent, et ce sont les Anglais qui en profiteront. Aussi, montrant le crâne troué de Jean à François Ier, un chartreux de Dijon lui disait « Sire, c'est le trou par où les Anglais passèrent en France. » Le traité de Troyes. Philippe le Bon, l'héritier de la puissance bourguignonne, devient tout à fait anglais. Il assure le triomphe de Henri V. Le but de Henri était manifeste, c'était d'épouser une fille de France, Catherine, et d'héritier du royaume. Philippe le Bon le promet à Arras et à Rouen en décembre 1419. La reine Isabeau y consent. Il est vrai que, de leur côté, le dauphin et les Armagnacs tentent aussi l'impossible pour s'assurer l'alliance anglaise. Comme ils ont peu à donner, ils n'obtiennent rien. Au contraire, les négociations de Henri V et du duc de Bourgogne aboutissent. En mai 1420, le roi d'Angleterre quitte Rouen, passe devant Paris avec 7000 hommes et arrive à Troyes, où étaient Charles VI, Isabeau, Catherine, Philippe le Bon. C'est alors que fut conclu le traité de Troyes, 20 mai. Il y a paix et mariage. Henri V épouse Catherine. Pour le présent, il est régent du royaume. Pour l'avenir, il est l'héritier de Charles VI. La France devenait anglaise de par la volonté de quelques mauvais princes. Le lendemain du mariage, Henri V partit pour achever sa conquête. Le 1er décembre, il entrait à Paris en maître et en roi. Les états généraux y furent tenus le 10 décembre. Ils approuvèrent tout. Le dauphin de France fut banni du royaume. Henri V put retourner, satisfait, en Angleterre. Janvier 1421. Fin du règne. Par la force des choses, la cause des Armagnacs, soutenue par le dauphin, est devenue la cause nationale. La guerre est partout. Les partisans du dauphin défendaient le royaume au nord, en Champagne, entre Seine et Loire, en Bourgogne, en Poitou, aux frontières de Normandie, avec une sauvage énergie. Paris, le bassin de la Seine, la Normandie, étaient le centre du parti anglais et bourguignon qui gagnait sans cesse. La misère était extrême. La famine, les épidémies faisaient de grands ravages. Item, en ce temps, étaient les loups, si affamés qu'ils entraient de nuit, est-ce Bonneville, et passaient souvent la rivière de Seine. Et, au cimetière qui était au champ, aussitôt qu'on avait enterré les corps, ils venaient par nuit, elle les déterrait et mangeait. C'était la plus forte année à passer que onc homme vit, 1421. La fin de 1422, sans rien changer à la guerre, qui était forte et merveilleuse, changea beaucoup aux hommes. Le 31 août, Henri V mourait à 35 ans, en pleine victoire. Le 21 octobre, ce fut le tour de l'infortuné Charles VI, qui s'éteignit dans l'isolement et l'inconscience. Il régnait depuis 42 ans et n'en avait que 54. À ses obsèques, il n'y avait aucun prince du sang de France, seulement un prince anglais, le duc de Bedford. Quand le corps eut été déposé à Saint-Denis, le héros cria « Dieu donne bonne vie à Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et d'Angleterre. » Fin de la section 12.